chin politique. Vers la sincérité, plein les verres pour la terre de Palestine. Belle région qu'on opprime, c'est une terre que j'estime. C'est un peuple qu'on dessine, c'est ce bilan que je dessine. Tu sens par la pub, c'est des meurtres subventionnés par une armée bien équipée. C'est des pierres contre des chars, des missiles sur des cars. C'est des civils qui payent, des victimes qui saignent pour une erreur du passé. L'Occident a signé une décision d'ONU qui l'aurait cru en colonise et méprise. On aime foutre la merde et quitter la banquise. Il n'y a pas de remède à la théorie occidentale. On aime semer le mal, c'est la prise de position qui mène à la division. Conflit opposition, roquette et explosion. Israël a du soutien et rien pour les Palestiniens. On souhaite les effacer et personne vient les aider. C'est un coup monté, un coup monté. C'est un coup monté, un coup monté. On veut les étouffer, on peut pas ravitailler. Car y a un mur qui vient bloquer, faut pas inverser. L'oppresseur et l'oppressé, Palestine va pas plier. Pour elle j'ai du respect, mes frères faut s'unifier. Mes frères faut se soulever, les cœurs soudés. Pour nos frères incarcérés, tous unis faut se rassembler. Se lever et lutter contre l'impunité de leur massacre organisé. Palestine, Palestine, l'Occident te sous-estime. Palestine, Palestine, ils te sous-estiment. Ils t'assignent à domicile, t'envahissent, t'assassinent. Mais des grands hommes se battent à l'image d'Arafat. Faut continuer le combat, à kiffer serré au poing. En hommage aux grands hommes, on y arrivera ensemble. Ils te colonisent, veulent te pousser à l'étroit. Ils te colonisent, se prennent pour tes rois. Je rêve d'une terre libre, d'une terre de paix. D'une terre qu'on délivre, d'une terre libérée. Beaucoup sont exilés dans des camps de réfugiés. Israël est moins peuplé, mais beaucoup plus aidé. La Palestine est délaissée, mais beaucoup plus peuplé. Mais beaucoup plus peuplé dans ce conflit. Beaucoup cherchent un intérêt, et oui, et notamment financier. Et oui, Israël est blindé, t'as vu son armée. Chaque jour Israël tue, le sang coule dans la rue. C'est un homicide volontaire, où tout le monde doit se taire. J'ai mon point solitaire, mon point pour mes frères. La fracture vient d'histoire, je remonte au départ. On a rapatrié un peuple en danger, dans un pays habité depuis plein d'années. Sans se préoccuper du peuple qui y est, c'est une miracle contre-attaque. Israël et ses attaques qui multiplient l'oppression, la violence, la répression, qui souhaite l'extinction, la mort, la destruction de la terre palestinienne. Et tout ça s'enchaîne, et moi tout ça, ça me gêne, tout ça, ça me peine. J'ai le cœur palestinien, je leur apporte mon soutien. Y'a des dirigeants sans cœur, pas de gouvernement à la hauteur. Le soutien viendra d'en bas, et Palestine vaincra. Bientôt indépendante, Inch'Allah. Vert pour l'espoir, un kéfier, blanc et noir. La blancheur de la colombe, rouge et le sang qui coule. Une spéciale pour les frères, une spéciale pour les sœurs. Une spéciale pour les pères, une spéciale pour les mères. Un hommage aux proches perdus, un hommage aux orphelins des rues. Un hommage aux orphelins des rues. Palestine, Palestine, ils te sous-estiment. Palestine, Palestine, ils te sous-estiment. T'assignes à domicile, t'envahissent, t'assassines. Mais des grands hommes se battent, mais des grands hommes se battent.